Kanyangi. Merci de nous rester fidèles, Madame, Monsieur, et veuillez nous excuser de ce retard de 3 minutes. Bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition de la mi-journée du 17 août. En voici les grands titres. Des habitants occupant l'aérodrome de Runyonza en province Kirundo n'ont que 3 mois pour quitter les lieux. Ultimatum donné hier par le directeur général de l'aviation civile. Le reporter du jour nous conduira en province Mwaro à la découverte des sites touristiques dont la forêt de Mutsa, des sites non protégés, vous l'entendrez. Dans la chronique santé, le psychologue Pierre Claver Njijimana nous parlera de la prise en charge d'un usager des substances psychoactives. La mise en onde de cette édition est assurée par François Kimana. Rebonjour et bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour, 1600 candidats burundais vont poursuivre leurs études universitaires à l'Université Campus de France, se trouvant en France. Ceci a été dit ce mardi par l'ambassadeur de la France au Burundi lors d'une conférence de presse. Ambassadeur Stéphane Grunberg fait savoir que cet effectif est plus élevé cette année par rapport aux années antérieures où le campus accueillait entre 500 et 600 candidats burundais. On l'écoute au micro de Jean-Marie Vianney, Ngendakoumana. Campus France prend la forme d'un réseau international de plus de 250 espaces et postes diplomatiques qui sont présents dans plus de 120 pays, dont bien évidemment le Burundi, ce qui nous réunit ici aujourd'hui. L'espace Campus France Burundi a été créé en 2015 et comme vous le constatez, il est situé dans les locaux de l'Institut français. C'est donc l'un des maillons de ce réseau. Il accueille les étudiants burundais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France. Il les oriente et les accompagne dans la concrétisation de leur candidature. Campus France Burundi a ainsi traité cette année environ 1600 candidatures contre 550 en 2020 lors de la campagne précédente, ce qui représente la plus forte progression du réseau Campus France. 550 personnes ont été admises dans un établissement français, donc 550 personnes parmi les plus de 1600 candidatures. Et à ce jour, plus de 336 visas ont déjà été accordés par le consulat de France. Néanmoins, ce chiffre n'est pas définitif, il va encore évoluer, et notamment il va augmenter, car de nombreuses demandes sont toujours en cours de traitement. Il faut signaler aussi que dans la campagne 2020-2021, ici, sur le nombre de dossiers traités, environ 700 représentaient des erreurs ou des cas de fraude. La France est convaincue que l'éducation est la meilleure arme dont dispose l'humanité pour venir à bout des défis actuels. Défis qui, vous le savez, s'accumulent. Stéphane Grunberg, ambassadeur de la France au Burundi. Les places destinées aux commerçants du marché urbain de Kinama sont toutes occupées par des commerçants, selon Désiré Ndikoumana, commissaire du marché. Et après la réhabilitation, les recettes ont connu une augmentation passant de 7 millions à 12 millions de francs burundais par mois. Le représentant des commerçants de son côté demande qu'il y ait séparation des marchandises, ce qui donnera une belle image, dit-il, de ce marché. Je venais de vous l'annoncer en titre, les familles occupant le domaine de l'aérodrome de Runyonza en province Kirundo ont juste 3 mois pour quitter les lieux, alors qu'une période de 6 mois leur avait été accordée, précision ce lundi du directeur général de l'autorité aéronautique et de l'aviation civile. Emmanuel Habimana indique en outre que d'ici peu, cet aérodrome va accueillir des cargos de petite et moyenne taille et sera considéré comme aéroport international. Le point avec Abraham Safari. De première et de deuxième catégorie pouvant transporter plus de 120 passagers. Ça va recevoir les avions de première et de deuxième catégorie qui rentrent dans le circuit touristique en avion capable de transporter 120-150 passagers. Et pour ceux qui ont réclamé les indemnités disant que l'État avait indemnisé sur les plantes et les maisons et non la terre, le directeur général de l'aéronautique et aviation civile affirme qu'ils ont été déjà indemnisés ou encore qu'ils ont été mal informés par leurs ancêtres. Ceux qui réclament Ce sont ceux qui sont mal informés par leur descendance familiale dans les générations antérieures qui ont bénéficié de ces indemnisations ou qui le font sciemment parce que ça existe. Le directeur général termine en rappelant la population que la durée de 3 mois dans 6 mois déjà donnée suffisent pour quitter cet endroit. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À 13h04 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition. Plus de 35 personnes, dont 13 enfants, qui habitent le quartier urbain de Buiza, la 9e avenue, près de la canalisation dite Drain de Vugizo, menaient une vie précaire. L'administration locale les a placés à cet endroit. Ils expliquent qu'ils n'ont rien, qu'ils vivent de la mendicité, demandent assistance. Le responsable de la 9e avenue en zone Buiza estime que ces derniers devraient être traités comme des rescapés des inondations. À Dogatumba, le point avec Jérôme Hakizimana. C'est à la jonction de la 9e avenue et la 5e avenue quartier 3 de la zone Buiza, tout près de la canalisation dite Drain de Vugizo. Après que l'administration locale les ait placés à cet endroit il y a de cela 2 ans, ces personnes qui, jadis, étaient en situation de rue, disent qu'elles mènent une vie précaire basée sur la mendicité. Nzimana Théophanie est l'une d'elles. Nous venons de passer 2 ans ici. Nous sommes arrivés par le biais de l'administration locale. Sinon, auparavant, nous étions en situation de rue. Il y a une maman qui nous a amené des tentes alors qu'on dormait à la Belle Étoile. Jusqu'à présent, nous nous abritons ici. Nous n'avons pas quoi mettre sous la dent, encore moins des maisons adéquates. Si la pluie tombe et que cette canalisation est remplie, l'eau se déverse immédiatement dans nos maisonnettes. Nous mangeons seulement quand nous mendions dans les quartiers. Et quand par chance, on nous donne quoi faire. Après 2 ans qu'elle y soit arrivée, cette fille indique qu'elle ne mange que quand elle est mendie dans le quartier. Tous demandent qu'elle soit assistée à leur octroyant du capital pour ainsi entreprendre et se satisfaire aux besoins fondamentaux. Celui qui voudrait me sauver de cette situation me donnerait du capital pour que je puisse entreprendre. Qu'on nous octroie du capital afin de satisfaire nos besoins fondamentaux. Le responsable de la 9e avenue du quartier 3 de la zone Buiza reconnaît les difficultés liées à leur vie quotidienne. Il indique que quelquefois, il mobilise la population à la solidarité locale à l'endroit de ces personnes. André Bouyeye estime que l'État pourrait les traiter comme les victimes des inondations de Gatumba. Il faudrait que ces personnes soient traitées comme les victimes de Gatumba à leur trouva de l'abri et les terres à cultiver, car elles en sont encore capables. Selon toujours André Bouyeye, tout se compte à 38 personnes, dont 13 enfants, tous genres confondus. À la source, reportage. Place au reportage du jour. Certains sites touristiques de la province de Mwaru, notamment la forêt de Moussa, ne sont pas bien aménagés pour attirer des touristes et ainsi renflouer les caisses communales. La population environnante se réjouit tout de même de l'importance de ces sites, surtout quand, en ce qui est de l'enseignement de l'histoire du Burundi. Chiza Atanas, chef du cabinet du gouverneur de la province de Mwaru, affirme que ces lieux touristiques ne sont pas bien entretenus, mais que la province envisage des projets pour leur protection. Le reporter du jour, c'est Lydie Gahimbar. Nous sommes dans la réserve naturelle de Mota, en commune Lusaka de la province Mwaru. Dans cette réserve, il y a des nécropoles des reines-mères. Cependant, ces lieux ne sont pas bien entretenus afin qu'ils puissent attirer de plus des touristes. Un ancien qui habite tout près de cette réserve affirme que ce milieu a d'une grande importance, surtout pour les élèves et étudiants qui suivent les cours d'histoire du Burundi. Nous avons également visité la chute d'Ogasomo en commune Kayokwe de la même province. Cet endroit a son histoire, surtout dans les croyances religieuses, mais il n'est pas également bien entretenu. Tshidza Atanasi, chef du cabinet du gouverneur de Mwalo, ne nie pas que ces sites touristiques sont mal aménagés. Que ce soit le site d'Ogasomo ou bien la forêt d'Ombosa, ce sont des sites touristiques qui sont beaucoup prisés par les visiteurs. En tout cas, chaque fois, nous avons des visiteurs qui viennent voir ces lieux touristiques. Mais je dirais que ce sont des lieux touristiques qui ne sont pas aménagés, ce qui fait que ces lieux-là ne génèrent pas de fonds pour nos communes et partant pour la province. Mais cet administratif dit qu'il y a des projets d'aménagement des sites touristiques, surtout à travers les sensibilisations des administrateurs communaux afin de renflouer les caisses communales. Nous avons lancé un appel aux administrations communales de travailler à travers les conseils communaux pour qu'ils envisagent des projets d'aménagement de ces sites et pour que ces sites puissent finalement générer de l'argent pour ces communes. Ces deux sites touristiques sont les plus visités à Mwalo. Radio Isanganiro, chronique santé. Place à la chronique santé de ce mardi. La prise en charge d'un usager des substances psychoactives est individuelle et cas par cas. Le psychologue Pierre Claver Njejimana précise que le patient peut guérir s'il a bien respecté les conseils du médecin. Selon lui, les parents ont un rôle majeur dans la prévention en créant un cadre de dialogue sur les risques liés à la consommation de ces substances psychoactives. La chroniqueuse de ce mardi, Ornella Mucho. Le traitement chez le patient usager de drogue et ou substances psychoactives dépend de la quantité et type de drogue consommée. Le psychologue Pierre Clavin-Djimana précise que c'est important de le savoir afin de prescrire des traitements adaptés. On doit catégoriser parce que les usagers de drogue sont de plusieurs catégories. Il y en a qui consomment des substances psychoactives sur une période très courte. Là, on va faire la prévention. Il y en a qui ont déjà développé la maladie mentale, ils sont déjà dépendants. Ceux-là, alors, ils nous parviennent, après avoir développé des signes cliniques manifestes des maladies mentales comme la psychose. Ce sont des personnes qui sont délirantes, qui entendent des voix, qui voient des choses étranges. On parle des hallucinations audiovisuelles, qui manquent de sommeil. À cela, alors, on doit d'abord les sédater. On doit d'abord les procurer du sommeil. Et après avoir, justement, passé un bout de temps au lit de l'hôpital, on va essayer d'entrer en profondeur dans leur vie profonde pour savoir les raisons profondes qui les ont poussés à commencer l'abus. Et chaque patient est un cas à part. Le traitement implique également des conseils et le patient peut guérir en cas de respect des conseils donnés par les médecins. On doit entrer en détail chez chaque personne pour savoir les raisons profondes qui ont provoqué le début de la consommation. On sait qu'aucune conduite humaine ne peut pas changer s'il y a une motivation. Et dans la prise en charge, on préconise la motivation, surtout pour le changement du comportement chez les jeunes qui abusent. Et s'ils ont compris qu'ils doivent changer, souvent ils guérissent. Les jeunes âgés entre 15 et 25 ans sont les plus à risque de consommer ces substances. Selon ce psychologue, les parents ont une part très importante dans la prévention à travers les réunions familiales d'information ainsi que développer des relations parentales positives. Et les parents devraient être les premiers pionniers vraiment pour pouvoir faire la prévention primaire en expliquant aux enfants surtout les conséquences néfastes de l'usage des drogues. Si par exemple un enfant connaît que le papa a dit que cela est mauvais, l'enfant a tendance d'adhérer. Si la maman a dit que cette situation n'est pas bonne, l'enfant a tendance à adhérer. Donc, je dis que pour prévenir, il faut vraiment une promotion du dialogue père-enfant-mère-enfant. Le dialogue en famille pour expliquer justement les effets néfastes des drogues. En fait, les drogues sont une réalité dans notre pays et les jeunes qui sont déjà malades doivent être éligibles au traitement. Le psychologue Pierre Claver Njejimana trouve également que le gouvernement a un rôle très fondamental dans la sensibilisation contre les abus de drogue, car la consommation constitue un danger majeur dans le développement de la société, souligne-t-il. Merci à Ornella Mucho et au psychologue Pierre Clavier. Njedjimana International pour clore cette édition. Dans le sillage du puissant séisme qui a frappé le sud-ouest d'Haïti il y a deux jours, provoquant la mort d'au moins 1419 personnes, en blessant au moins 6900 autres et détruisant au moins 37 000 habitations. La dépression tropicale appelée Grace est arrivée sur la région, lâchant des pluies torrentielles sur Haïti ainsi que la République dominicaine. Selon le Centre d'observation des ouragans des États-Unis basé à Miami, des précipitations comprises entre 127 et 254 mm d'eau étaient attendues. Voilà, 13h13 dans les studios de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition, mais permettez de vous rappeler que 1600 candidats burundais vont poursuivre leurs études universitaires à l'Université Campus de France, se trouvant en France, annonce ce mardi dans une conférence de presse de l'ambassadeur de la France au Burundi, en effectif plus élevé par rapport à l'année passée où les Burundais étaient compris entre 500 et 600 candidats. Et dans cette édition, on a également parlé des habitants occupant l'aérodrome de Runyonza en province Kirundo qui n'ont que 3 mois pour quitter les lieux. Ultimatum du directeur général de l'aviation civile, c'était ce lundi. Le reportage du jour nous a conduit en province Moaro à la découverte des sites touristiques, notamment la forêt de Motsa où reposent les reines du Burundi, mais des sites non protégés, vous l'avez entendu. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à François Akiman qui assurait la mise en onde. Très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir.